Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Je me baladais sur Internet, comme bien souvent. Je suis tombé sur une petite séquence, les 20 trucs Lego que personne n'ose faire, mais qu'on peut faire, bien évidemment. Alors, le premier truc, vous allez voir, c'est des trucs très cons, mais c'est vrai, vous allez me dire si vous l'avez déjà vu, mais logiquement non. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se balader dans la rue avec un verre d'eau de chez lui ? Moi non. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est pas interdit de le faire. Ah, mais ouais, personne n'a déjà vu quelqu'un se promener avec un verre. Moi j'avais une fille en primaire. Ouais. En fait, elle habitait la maison juste en face de l'école. Ah, et sa mère lui apportait un verre d'eau, tout ça. Et ça paraissait toujours bizarre de l'avoir avec des trucs de chez elle, tu vois. Le seul truc que je retiens là, c'est qu'elle habitait devant l'école. Ça veut dire que si elle avait cours à 8h30, debout à 8h. C'était l'intello en plus de la classe. Ah oui, donc elle était quand même là à 7h30 devant l'école. Alors ça changeait rien. Alors, autre truc que personne n'ose faire, c'est être dos à la porte d'un ascenseur. C'est vrai, moi je me suis jamais mis dos à la porte de l'ascenseur. Non, c'est vrai, mais ça. C'est con, tu vois. Non, tu pourrais, je sais pas. Mais genre, tu rentres dans un ascenseur et tu te dis, tiens, je vais me mettre dedans, tu vois. Mais pourquoi pas. Est-ce que c'est interdit de le faire? Mais non, c'est pas interdit, mais c'est un automatisme, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, autre truc là, moi je suis pas très d'accord parce que j'ai déjà vu des gens le faire, c'est chanter en marchant dans la rue. J'ai déjà vu des gens, bon après c'est peut-être pas des gens qui ont toutes les frites dans le même sachet, mais des gens qui chantaient dans la rue. C'est vrai que y a rien nous interdit d'avoir nos écouteurs. Hein, moi oui, j'ai des dossiers. Ah bon, moi ça m'arrive. Pas chanter fort, mais ça m'arrive quand j'ai une mélodie en tête après, de la chanter. Oui, c'est pas interdit de le faire. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui chante dans la rue en marchant, ouais, c'est un peu bizarre. Soit tu changes de trottoir, soit tu te poses des questions. Oui, mais ça dépend, chanter, tu vois. Il y en a qui a de vive voix, oui, mais ça fait bizarre, mais sinon quand tu murmures un petit peu, ça va. Ouais, c'est vrai. Alors, autre truc légal que personne n'ose faire, c'est éplucher une orange pour croquer dedans. Éplucher une orange ? Ouais. Ah, mais on n'épluche pas une. Enfin, on ne mord pas. On ne mord pas dans une orange parce qu'il y a les quartiers. Mais qui t'a interdit de le faire ? Mais c'est des automatismes. Des automatismes. Voilà, c'est tous les trucs un petit peu comme ça. Alors, d'autres choses qu'on ne fait pas, c'est maintenir la porte des toilettes ouverte pour le suivant. Bon, c'est vrai que ça me vient jamais. C'est un peu moins. Moi, je la ferme. Attends, je comprends pas, moi. Mais tu laisses la porte des toilettes quand t'as fini de faire pipou. Genre, tu vois, quelqu'un rentre dans un bar, tu vas lui tenir la porte, bonjour, rentrez. Aux toilettes, tu vas pas dire bonjour, allez-y, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde passe souvent la tête un peu en regardant ses chaussures et on se barre. Enfin, voilà, autre chose, ça, je suis d'accord, c'est. On peut le faire, mais on ne le fait pas. C'est croquer dans un Kit Kat sans séparer les morceaux et croquer en plein milieu du Kit Kat. Qui fait ça? Moi, j'ai déjà fait ça, mais c'est vrai que c'est perturbant quand tu ne manges pas le Kit Kat. Ouais, souvent, tu le casses en deux, ou tu vois, c'est Xavier, toi, tu le casse aussi, le Kit Kat. D'office, oui. Voilà. Alors, autre chose qui est légale, mais que plus personne ne fait ou personne ne fait, c'est louer un film porno. Sincèrement, en 2020, mais pourtant ça existe encore, vu qu'il y a encore des vidéothèques, des magazines, des shops, des magazines. Pourquoi louer quelque chose que t'as en illimité gratuitement sur Internet? Mais t'as des gens qui n'ont pas évolué et qui ne sont pas dans l'air du temps, tu vois, du coup. T'en as encore, je suis sûr, il y en a encore qui utilisent des Walkman, tu vois. Oui. Ou des MP3. Ouais, c'est vrai, mais bon, enfin. C'est vintage, ouais. Alors, autre chose, c'est apporter ta propre assiette au restaurant. C'est vrai, c'est pas interdit. Après, bon. Mais genre, tu vas pas au restaurant pour apporter ta vaisselle. Bonjour, j'ai pris mon assiette et mon dessert, si jamais. Je veux juste bien le plat et l'entrée. Il te fout dehors, à un moment donné. Enfin, je sais pas, mais. Bah, c'est pas interdit. Ah, mais il te foutra dehors quand même. J'ai regardé une émission, je sais plus c'était laquelle, mais c'était un gars qui faisait de la muscu, tout ça, et il avait apporté son Tupperware au restaurant. Quoi. Ça, je trouvais ça bizarre. Ah ouais. Alors, autre truc, bon, c'est parler à son chien avec une voix normale. C'est vrai que les gens, dès qu'ils parlent un petit peu à leur chien ou à leurs animaux, c'est un peu comme avec les bébés. Hein. Tout le monde prend une autre voix, alors que pourquoi? Oui. Il va pas mieux nous comprendre parce qu'on est comme un gaga, quoi. Bizarre de voir quelqu'un parler à son chien de la même manière qu'il parlerait à quelqu'un. Oui, mais pourquoi tu lui parles comme un abruti? Mais parce que c'est attendrissant, tu vois, comme un bébé, c'est attendrissant. Une vieille personne aussi, c'est attendrissant. Parce que les vieilles personnes, on leur parle pas non plus. Non, on a tendance à prendre une wagaga. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, dernier petit truc qui est autorisé mais que personne fait, c'est s'habiller en tenue de gala pour aller au bureau. C'est vrai que j'ai jamais vu personne arriver au boulot avec une grande robe ou le costard. C'est pas super pratique, tu vois. Non, mais c'est pas interdit non plus, donc pourquoi pas le faire? Ah oui, non, c'est pas interdit, mais bon. Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Et puis nous allons passer à notre séquence Trouve l'info. Je donne le début d'une info, c'est aux copains de trouver. Enfin, copains, je sais pas si on est vraiment copains, mais aux autres autour de la table de trouver le reste d'eux. L'info. Alors, aux USA, un homme a été assez généreux. Trois petits points. Pourquoi a-t-il été généreux, Claire? Oh, il a pas laissé un gros pourboire à un restaurant? Info suivante. C'était bon. Ah, c'est vrai que d'habitude je fais exprès de prendre des trucs beaucoup plus loin, mais là elle m'a eu. Ben oui, il a laissé un pourboire de 3 000 $ pour une simple bière. La bière, elle coûtait 7,02 $, et sur l'addition, il a rajouté plus de 3 000 pour aider les restaurants en cette période un petit peu compliquée. Et il a demandé que tout le bénéfice soit repartagé entre tous les employés présents. Merci Claire pour ce début de séquence. Alors, en République Tchèque, un cerf est recherché par la police. Parce qu'il... Xavier. Parce qu'il... Et là, il me sort déjà la bonne info. Je... Alors, pourquoi... Ah, je l'aurais pas parce que je l'ai pas vu, celle-là. Pourquoi un cerf est recherché par la police? Enfin, un cerf. C'est un cerf, quoi. Oui. Pourquoi il est recherché par la police? Parce qu'il a volé quelque chose, non? Je sais pas. Oui, c'est ça. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il a volé, Claire? Est-ce que t'as une idée? Bah, la voiture, ce serait un peu compliqué, mais oui. Genre, je sais pas, moi, un uniforme ou. Je sais pas, en fait, voilà, ce qu'il faudrait. Du matériel de jardin, enfin, je sais pas. Du matériel, mais pas de jardin, allez, Claire, une dernière proposition, puis je vous le dis. Du matériel de sonorisation? Oui, de platine, non. Pour une petite soirée dans les bois. Non. En fait, le cerf, il a volé le fusil d'un chasseur et il s'est enfoui avec. Le fusil, en fait, il était suspendu au bras du chasseur et a glissé sur les bois de l'animal quand il est passé à côté de lui. Et donc, il y a un cerf qui se promène avec un flingue sur les... Comment est-ce qu'on appelle déjà les bois? Oui, c'est tout simple. Corne, quoi. Enfin, Les bois. Les bois, oui. Ouais. C'est involontaire, quoi. Ah ben oui, à mon avis, il est passé à côté, il a chopé l'arme et donc, du coup, maintenant, les flics recherchent pour que l'arme ne se retrouve pas dans la nature comme ça, à la portée de n'importe qui. Alors, en Espagne, un youtubeur a mis dans la merde un de ses abonnés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour mettre un abonné dans la merde, Claire? Bah, il aurait divulgué son numéro de téléphone ou son adresse? Non, Xavier. Un numéro de carte bancaire? Non, Claire. Non. Il aurait fait une mauvaise. Enfin, il aurait mal parlé de lui ou je ne sais pas quoi. Un petit indice? Voiture. Voiture? Allez, Xavier, pourquoi? Voiture. Parce qu'il aurait peut-être mis en vente sa voiture pour un qui voulait gagner, enfin, je sais pas, non, on n'a rien à voir. Allez Claire, une dernière proposition, puis je vous le dis. Il a cassé sa voiture? Bon, non, on n'est pas loin de ça, mais en fait, le youtubeur, il s'est filmé à 233 km/h au volant d'une voiture prêtée par un follower. Oh. Et le fidèle abonné du youtubeur n'avait pas été averti des intentions de la star, qui était donc de pousser la bagnole au max. Oh. Et donc, sur une route limitée à 80 km/h, la voiture a été flashée à 233 km/h. Et le youtubeur, il se filmait au volant de la voiture haut de gamme prêtée par un de ses followers, justement. Et donc, il s'est fait très vite repérer. Et donc le youtubeur a eu des emmerdes, mais le propriétaire de la voiture aussi. Et donc voilà, c'est pas cool pour un... Mais pourquoi le propriétaire aussi? Parce qu'il donne. Parce que c'est son véhicule qui a été flashé. Bah ouais. Ah bah oui, mais c'est YouTube. Oui, mais c'est le youtubeur qui conduisait. Oui, mais c'est au nom de la voiture et au nom de l'autre. Ils réfléchissent pas, hein, c'est quand même fou ça. Bah oui, voilà, surtout que je suppose que le youtubeur avait les sous de s'acheter une bagnole et de pas choper à quelqu'un d'autre. Mais bon, alors dans le Finistère, un homme s'est fait remarquer en plein match de foot. Pourquoi? Xavier. Allez, un indice dès le début, il fait partie du club. Il fait partie du club de foot, oui, donc c'est du pas spécialement un joueur, hein, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, parce que. J'ai aucune idée là-dessus. C'est clair. Il t'a fait sa demande en mariage? Non, Xavier. Franchement, je n'ai aucune idée. Indice, terrain. Terrain. Ligne, traçage, goal. Ah, parce qu'il a modifié en faisant. Donc, il a travaillé sur le terrain, c'est un ouvrier, c'est pas ça? Ouais. Et donc, il a modifié les lignes du terrain, donc elles sont plus normales. En fait, il a dessiné les lignes du terrain, donc souvent avant un match, surtout les gros matchs, on retrace le terrain. Un petit peu, ouais. Il l'a fait en plein match. Donc, il a pas fait attention que le match avait démarré ou je sais pas ce qu'il faisait. En plein match, ils ont vu les supporters ont vu le mec arriver avec son petit chariot et retracer les lignes du match en plein match. Donc si la balle sortait ou quoi, ça faisait le bordel. Donc voilà pour les infos de cette semaine. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine avec de nouvelles infos à deviner. Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Puisqu'on va parler de rupture amoureuse. Alors on va parler de rupture amoureuse, mais on va parler de rupture amoureuse donc pour celui qui va quitter l'autre. Donc en fait, c'est le avant la rupture que j'aimerais bien aborder, parce que généralement on parle de rupture, etc. Mais c'est important aussi de se poser et de se poser les bonnes questions quand on va rompre. Parce qu'il y a toute une préparation quand on doit rompre. On ne peut pas dire je te quitte, etc. Il y a certaines raisons. Et donc, j'aimerais bien un peu parler avec vous de ce qu'il faut faire, des questions qu'il faut se poser avant de rompre pour ne pas regretter son choix et pour aller vers la meilleure Parlons-en. Alors, pour moi, la première chose, c'est évaluer l'amour. Mm-hmm. Si c'est de l'amour ou de l'attachement. Parce que, allez, on peut être en couple pendant 10 ans et puis d'un coup, on sent que ça ne va plus trop. Et on doit se poser la question tout bonnement, est-ce que je l'aime ou alors est-ce que c'est juste de l'attachement, quoi. Mm-hmm. Si c'est juste de l'attachement, qu'est-ce qu'on fait encore ensemble? Mm-hmm. Et il y a énormément de couples qui fonctionnent comme ça, hein, parce qu'il y a les habitudes qui sont là. Je crois que j'en avais parlé déjà. Oui, c'est vrai. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à évaluer. Si l'amour est encore là, alors oui, il faut se battre pour son couple. S'il n'y a plus d'amour, ça ne sert à rien. Non. Quoi. Alors, il y a peser le pour et le contre, donc les points positifs et les points négatifs. Moi, c'est ce que je donne toujours comme conseil, et voir s'il y a plus de points positifs que de négatifs, parce que s'il y a plus de négatifs, ça sert à rien de continuer. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Bah oui, si c'est pour vivre le truc dans la négativité toujours et de toujours. Mm-hmm. À quoi ça sert ? Ça nous permet de prendre du recul, parce que quand on est dans la relation, on n'a pas assez de recul, on se remet pas assez en question. Et c'est vrai que de faire une liste du pour et le, enfin, du positif et du négatif, mm-hmm. ça pourrait nous aider à avoir un peu l'évolution de la relation. Et ça, on le fait chacun de notre côté ou on le fait ensemble ? Non, c'est plutôt pour oui. En fait, parfois, tu as des couples où ça ne va plus et tu peux te dire, imaginons, je suis avec Xavier, ça ne va plus à un moment. Et ben, on se parle et on se rend bien compte que nous deux, ça ne va plus et on veut sauver le bazar. Et donc, on se dit, ben, écoute, on va faire les points positifs, les points négatifs. Ouais. Donc, parfois, tu as des ruptures d'un commun accord. C'est les deux parties qui se disent, ben voilà, on se sépare. Mais oui, alors... Et parfois, il y en a un qui est d'accord et l'autre pas. Ah ben oui, mais bon, si l'autre ne veut pas, il faut pas se battre. Ben ouais. Hein. Il y en a toujours un qui est plus malheureux que l'autre dans une rupture. La communication est très importante. Ouais, je ne le répéterai jamais assez, ça, la communication. Alors, surtout, il ne faut pas se faire influencer par les autres. Donc c'est votre vie et c'est votre relation, parce que parfois, t'as des couples, ça ne va plus, et t'as les amis qui sont là, mais si, reste avec elle, reste avec lui, etc. Et ça sert à rien, c'est pas leur vie, c'est pas leur relation. Son propre instinct. Son propre instinct, ouais, vraiment, faut suivre sa première intuition, parce que t'as des amis parfois qui sont là, etc. Ouais. Puis finalement, ça mène à nulle part, donc faut pas écouter les autres pour une rupture, à part si vraiment ça ne va plus, que c'est une relation toxique. Ça oui, il faut écouter son entourage qui met un peu les warnings, écoute, ça va plus, il faut que tu te sépares, quoi. Mm-hmm. Alors, ne pas avoir peur des quand dira-t-on. Donc généralement, quand on va rompre, une personne qui va rompre, ben souvent on se dit je vais être un monstre, quoi, parce que finalement celui qui rompt c'est celui qui va faire du mal à l'autre. Et ouais. Donc généralement, enfin, moi j'ai une amie qui allait quitter son copain et elle me dit je vais être un monstre, je vais lui faire du mal, etc. Donc elle est restée encore un an avec lui parce qu'elle n'arrivait pas à le quitter, elle avait pas envie de lui faire du mal. Et je lui disais, mais c'est pas ça, tu vois, parce que je pars, donc je rebondis sur un autre. En faisant ça, on empêche l'autre d'aller vers un mieux et de connaître un mieux. Donc là, elle est restée encore pendant un an avec son ex, mais ça veut dire qu'elle l'empêchait d'aller vers un mieux, parce qu'elle restait elle le laissait emprisonner dans cette relation. Mais surtout que si elle lui avait dit dès le début, en un an, il aurait eu le temps de s'y remettre, le copain. Il aurait même eu le temps de retrouver quelqu'un. Ah, mais ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. Ouais, mais bon, en un an, il y a moyen déjà de. Mais il y a un an où elle a eu du mal à évaluer, c'était encore de l'amour ou de l'attachement. Mm-hmm. En fait, elle avait beaucoup d'attachement pour lui, c'est normal, après 5 ans c'est logique, mais il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'attirance, etc. Et donc c'est vrai que pendant un an, elle s'est un peu forcée, il y avait les habitudes qui étaient là, il y avait la famille. En fait, quand il y a une ça relation, change une vie, hein. ça change, en fait c'est une page qui se tourne, c'est un deuil, hein. Quand on se sépare de quelqu'un, c'est vraiment un deuil. Hein. Bah oui. Alors, il ne faut donc pas rester pour le simple fait de ne pas faire du mal, donc on empêche l'autre d'aller vers un mieux. Ça, je trouve que c'est hyper égoïste quand t'as un couple, tu vois que ça ne va plus. Tu demandes à l'autre, mais pourquoi tu ne la quittes pas ? Et je veux pas faire de mal. Oh, bah, t'es là, mais t'es vraiment un égoïste, tu vois, parce que finalement. Tu reportes le mal et tu te mets dans une relation où t'es pas bien et tu empêches l'autre juste parce que t'es hyper égoïste d'aller vers un mieux, quoi, tu vois. Enfin voilà, moi parfois ça me... Hors de toi. Voilà. Alors surtout, il ne faut pas avoir peur de se retrouver seul. De toute façon, se retrouver seul, c'est la meilleure façon d'avancer et d'évoluer. Parce que t'en as qui ne veulent pas quitter le partenaire parce qu'ils ont peur de se retrouver seul. Mais c'est hyper égoïste aussi. Mais oui. Mais d'accord. Tu réagirais comment, toi ? Enfin, dis-moi un peu, je ne sais pas, on va un peu en parler. Mais dis-moi. Mais je ne sais pas, enfin... Tu préférais qu'on te quitte comment ? Enfin, une rupture... Comme elles disent déjà, fait qu'on en parle avant. Ah, faut mieux, oui. Fait qu'on en parle avant de prendre une décision. Pour toi, la meilleure façon de rompre avec quelqu'un, c'est comment ? T'envoies un SMS ou non, non, non, non, non. quand on se voit, enfin qu'on en parle, voilà, enfin ça ne va plus. Enfin, d'abord voir est-ce qu'on pourrait améliorer des choses. Si pas, tant pis. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais si tu as des choses à améliorer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bah oui, mais si on s'est modifié, enfin je sais pas, moi je pense ça comme ça. Mais après, c'est vrai qu'on dit souvent, faut pas le faire par texto, etc. Ah oui, non, non. Je suis d'accord et je suis pas d'accord en même temps. C'est vrai que c'est mieux d'avoir la personne en face de soi pour discuter. Mais c'est vrai que parfois ça peut être tellement dur et il y en a qui ont du mal à qui n'y arrivent pas et qui ont du mal à extérioriser. Donc peut-être pas un texto tiens c'est fini, je te quitte et basta. Non, il faut un peu plus de respect que ça. Peut-être même par une lettre. Moi je trouve que c'est encore correct de le faire par écrit parce que c'est encore mieux en face, je trouve. On n'a pas les mêmes émotions. Après, attention, parce que t'en as qui quittent en face, et puis t'as l'autre qui se met à pleurer, et l'autre craque et dit bah ok, on reste ensemble, tu vois. Ouais. Mais t'en as, c'est comme ça qu'ils n'acceptent pas la rupture. Moi, je suis désolée, mais si quelqu'un veut rompre avec vous, ne vous rabaissez pas à essayer de garder l'autre, quoi. Mm-hmm. Enfin, ouais. c'est, pour moi, c'est vraiment se mettre dans une. aller inférieur à l'autre, et voilà, l'autre veut romper, c'est tout. Et quoi, voilà, et ça, c'est par exemple, là, quand vous le faites en face, t'auras peut-être la personne qui va avoir du mal et qui va dire, ben non, moi, ok, c'est bon, on recommence, on réessaye. Alors que par exemple, si tu le fais par message et que t'es plus à l'aise comme ça, là, tu te dis, bon, voilà, j'envoie un message, je lui réponds plus, je le bloque. Là, t'es sûr que c'est fini et que tu ne regretteras pas à perdre du temps. On recommence, on réessaye, on a peut-être mal fait les choses. Parce qu'au final, tu vas peut-être reprendre, allez, 6 mois à se relancer, allez, on se donne X mois. Et au final, tu vas arriver au bout de ces 6 mois en se disant, mais putain, j'ai perdu 6 mois alors que je le savais. Ou par rapport, que j'aurais dû le faire. C'est la même chose, tu vas me dire. Peu importe le moyen, mais. Mais après, c'est vrai qu'il faut le faire dans la. De la bonne manière, c'est vrai que par écrit, mais il faut mettre vraiment tout par écrit, il faut pas mettre juste deux petites phrases, non. Je te quitte et c'est tout quoi. Il faut vraiment que ce soit bien expliqué. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, manière de rompre avec quelqu'un. Ouais. Alors je reprends mes notes. Mais d'ailleurs, on en parlera après, hein, nous, comment ça s'est déjà passé, est-ce qu'on a déjà eu des ruptures douloureuses, et puis on discutera tous ensemble. Alors bon, le dernier, c'est donc de prendre du recul. Donc c'est la fin d'une période, mais un renouveau nous attend, parce que on dit souvent que c'est la personne qui s'est fait quitter qui le vit le plus mal, mais je suis pas d'accord, parce que je vais reprendre l'exemple de mon amie qui a quitté son copain après 5 ans. Elle l'a super mal vécu, et ça fait seulement depuis quelques mois qu'elle remonte la pente, parce que c'est un deuil pour les deux parties. Si tu es en couple avec quelqu'un pendant des années et puis que ça ne va plus et donc tu décides de rompre, mais c'est quand même un deuil pour toi, parce que tu perds tes habitudes, tu perds tout, c'est tout un bouleversement. Donc il faut pas voir les personnes qui prennent la décision de rompre comme des monstres, hein. Il faut pas penser qu'ils vivent leur meilleure vie et que c'est la fin d'une période pour tout le monde, quoi. Donc voilà, moi j'ai fini de parler, maintenant je vais vous laisser la parole. Donc Xavier. Oui, moi j'ai été dans les deux situations. J'ai rompu et elle a rompu. Donc, pas avec les mêmes filles évidemment, hein, mais quand moi j'ai rompu, j'en avais parlé avant et tout ça. Elle ne voulait pas évidemment accepter. Mais c'est après plusieurs semaines que j'en ai parlé la première fois, et c'est pas sur le moment même qu'on a décidé directement de le faire, tu vois. Ah, t'as parlé d'abord des problèmes, et après vous avez continué, tu et puis à un moment tu t'es dit ouais, il faut que je parte, quoi. Et après ça s'est fait, mais elle ne l'acceptait pas. Et alors la deuxième fois, quand elle a rompu, moi j'ai été surpris, enfin voilà, enfin on n'avait pas vraiment parlé, rien. Donc là du coup dans ce cas là on était un peu c'est vrai que c'est difficile quand tu le sens pas, parce que t'as des ruptures comme ça où tout va bien, bah ouais. Et puis d'un coup, pouf, tout va mal, quoi. Mm-hmm. Enfin, c'est très difficile. C'est mieux de rompre quand tu sens que la relation a pris un autre tournant et que tu te dis, quand tu le sentais, ça va, tu vois. Mais t'en as qui se font larguer et qui ne se rendaient pas compte qu'il y a des problèmes, quoi. Et toi, Maxime. Bah, écoute, on va faire une petite pause parce que là, on parle déjà depuis longtemps. On se retrouve dans quelques instants. On continue de parler de ça. Écoute, ça s'est passé dans hashtag. On va parler maintenant du brouillard. C'est du brouillard. On va parler de sa formation. Si vous venez de vous brancher ou vous nous découvrez pour la première fois, chaque semaine, Xavier, qui est passionné de météo Namur, c'est sa page Facebook où il vous fait des bulletins météo chaque semaine. Xavier, tu nous expliques un petit peu des phénomènes, des explications, des choses qui se passent. Et puis, petite info, dès la semaine prochaine, on aura aussi des petits jeux en rapport avec la météo. Bah oui, un petit quiz comme ça. Voilà, chaque semaine il y aura ça, et aujourd'hui tu nous parles de la formation du brouillard. Bah oui, parce qu'on est en cette période hivernale, généralement en cette période de l'année, on a beaucoup de brouillard qui se forme le matin. Alors le brouillard, vous savez ce que c'est les amis, c'est évidemment des gouttelettes d'eau, ouais, qui sont en suspension. Et pour avoir des gouttelettes d'eau, il ne faut pas avoir de vent, il faut que la température du sol soit généralement négative ou alors proche du zéro. Mais pas parfois, puisqu'il y a différentes formes de brouillard, différentes situations. La première, c'est le brouillard de rayonnement. Alors, il se forme généralement par refroidissement nocturne de la surface terrestre. Et généralement, ça se produit en fin de nuit. Et ce brouillard est typiquement terrestre et peut persister plusieurs jours en période hivernale, surtout en hiver. Il se dissipe en matinée généralement, donc c'est sous l'action du rayonnement solaire que, évidemment, les gouttelettes d'eau bien disparaissent. Et on retrouve le soleil tout simplement, les éclaircies. Oui, Claire. J'ai une question, parce que tu dis que c'est des gouttelettes en suspension. En fait, c'est un nuage, le brouillard. Oui, mais comment, qui est à basse altitude. Oui, mais si c'est des gouttelettes d'eau en suspension, tu vois, pourquoi on n'est pas mouillé? C'est peut-être débile, hein, comme question. Ah, mais généralement, quand il y a du brouillard, ta voiture, elle est mouillée. Il fait humide. Oui, mais toi, quand tu passes, parfois tu. Parce que c'est des gouttelettes qui sont dans un brouillard, c'est fin, pas mouillé, tu vois. Puis pourquoi tu ressens pas un peu de. Parce que t'es en mouvement, tu restes pas statique. tu vois. Quand tu bouges, généralement... Oui, mais donc ça veut dire que si tu restes statique dans un brouillard... Tu peux être mouillé, oui, mais il faut attendre. C'est pas en une minute que tu vas être mouillé, parce que c'est pas de la pluie qui tombe. La semaine prochaine, Claire va nous faire une expérience. Elle va rester dans du brouillard pendant 3-4 heures. Au moins 3 heures, oui. Si tu veux faire l'expérience, faites l'expérience chez vous si vous avez le temps en cette période de confinement. Et du brouillard aussi. Oui, il faut du brouillard aussi. Bon, deuxième type de brouillard, il y a le brouillard givrant. Généralement, ce brouillard-là, c'est quand les gouttelettes d'eau arrivent au sol, se transforme en glace, évidemment, d'où le brouillard givrant. C'est tout simple. Et puis il y a le brouillard d'advection. C'est le brouillard d'advection qui se forme lorsqu'une masse d'air chaude et humide se déplace sur une surface relativement froide. Alors la base de cette masse d'air se refroidit au contact de la surface froide et se refroidit et ça se propage évidemment sur certaines épaisseurs. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour le brouillard d'advection. Et puis il y a le brouillard d'évaporation. Ça, c'est ce qu'on voit généralement sur les lacs. À y voir là. Oui. Il n'y a pas qu'à y voir, sur la maison. Non, mais parce que j'habite juste en face, et donc on avait vu à l'eau. Enfin voilà, c'est tout. Par exemple, à y voir, on peut voir ce phénomène. Mais pour que ce phénomène se produise, il faut que l'eau soit plus chaude, évidemment, que l'air. Il faut pour qu'il y ait une sorte d'évaporation. Donc voilà un petit peu, Maxime, ce qu'on pouvait dire sur ces différents types de brouillard et sur ce phénomène météo qui nous concerne en ce moment.